On s'en balègue de qui, donc l'oser rentre dans le bon compte. Y'a pas plus important que voir la daronne contente. Ben ouais, j'suis matrixé, j'écoute la prod en CSD. Sous commande, non commande, j'en cul la prod à steppé. On va reprendre ce qui nous est dû en déron 220K. J'reviendrai avec mon benga, pas 220K. J'ai mis une poisson mes potos, même s'ils étaient bondels. J'ai pas de cœur pour le commun des mortels. Après 21h, je mets le tel sur silencieux. Appelle-moi si c'est urgent ou s'il y a des lovés en jeu. Vous connaissez mon vœu, moi je veux revoir le vieux. Je voudrais lui dire que je l'aime, que je m'occupe bien de la veuve. Je dois me casser sur une île très loin de ces merdas. J'ai des frères qui m'ont trahi, bien sûr c'était pas Reda. Sous le matelas, j'ai un calibre très semblable au Beretta. Je mets ma petite au lit, je lui apprends la shahada. Répète après moi. Que Dieu protège ma famille, les femmes et les gosses. Nous les hommes, on a des armes, on n'a pas acheté des crosses. On a investi sur des choses, tant pis si tu ne crois pas. Millionnaire avec des trucs que tu ne vois pas. J'ai passé l'âge de me taper. Je viens de là-haut, on tire et on discute après. Je sais cadrer, mais toujours pas cabré. Je me suis gavé, mais je suis toujours pas gavé. J'ai passé l'âge de me taper. Je viens de là-haut, on tire et on discute après. Je sais cadrer, mais toujours pas cabré. Je me suis gavé, mais je suis toujours pas gavé. Voiture à 17 000 euros, on passe de partout. Transaction 9h du mat, on passe de Carrefour. On est tranquille et toi tu parles fort. Si je te nique pas, c'est parce que je veux pas transpirer. J'ai mis du temps fort. Hors de question de faire dans la lèche. On va percer de nous-mêmes, au pire on vendra de la neige. On a trop connu la dèche, ouais trop connu la dèche. Dois faire des lobés, moi je vous laisse faire la fête à Marrakech. Y'a que du bis, y'a pas de malentendu. Abou m'a dit, toi t'as le don de donner de la force aux vendus. Et je te jure devant Dieu que tout ce que j'ai fait c'est niage. Les ai nourris, ils m'ont trahi, mais c'est la vie. Un amigo qui meurt, une Walida qui pleure. Ça fait peur pour nos gosses quand je vois que ça tire à 13h. On récupère un max de bric, on veut tous se tailler vite. J'pense à arrêter le rap et toi tu me parles de vite. Ok mon ami, d'après BFM TV on est des barbares. Quand je me fais contrôler je leur dis que je suis pack. Nous on est des gens bien, pourquoi tu nous parles mal? J'fais moins de gâté à ma femme depuis que je suis papa. J'ai passé l'âge de me taper. Je viens de là-haut, on tire et on discute après. Je sais cadrer, mais toujours pas cabré. Je me suis gavé, mais je suis toujours pas gavé. J'ai passé l'âge de me taper. Je viens de là-haut, on tire et on discute après. Je sais cadrer, mais toujours pas cabré. Je me suis gavé, mais je suis toujours pas gavé.